Elle m'a donné un mot, fait nous pleuvoir de billets. Pour faire passer le temps, je vais danser dans sa billet. Pourquoi tu joues à cache-cache, tu sais pertinemment que ça m'agace. Pourquoi tu joues à cache-cache, tu sais pertinemment que ça m'agace. Elle m'a donné un mot, fait nous pleuvoir de billets. J'ai pas dit les mots, j'ai pas dit les mots qu'elle attendait. Du coup son visage a changé, donc elle me demande de rentrer. Dans ma tête on est plusieurs milliers, vois pas laquelle est-elle faire de cendrier. On dansera jusqu'à la matinée, et sans bouger les pieds car la zone est minée. Elle est vêtue de soie dans un sablier, arrête de danser tu déconcentres le templier. Un peu de quoi changer la réalité, sensationnelle ou banalité. Elle m'a donné un mot, fait nous pleuvoir de billets. Pour faire passer le temps, je vais danser dans sa billet. Pourquoi tu joues à cache-cache, tu sais pertinemment que ça m'agace. Pourquoi tu joues à cache-cache, tu sais pertinemment que ça m'agace. Elle m'a donné un mot, fait nous pleuvoir de billets. T'as pas dinero, bah on m'a dit t'as qu'à chanter. On t'a déjà dit que tu ressemblais, ah. Non finalement laisse tomber. Mais pas 50 ans pour t'habiller. Ce soir on sort tu vas scintiller. Là sur moi là j'ai du gros billet. Je fais signe au serveur de garder la monnaie. Je viens d'un continent noir comme Sadio Mané. Quête avec le coin de l'œil quand je dépose la mallette. Suis dans sa rêve ou réalité. On se casse en jet, visa validé. Elle m'a donné un mot, fait nous pleuvoir de billets. Pour faire passer le temps, je vais danser dans sa billet. Pourquoi tu joues à cache-cache, tu sais pertinemment que ça m'agace. Pourquoi tu joues à cache-cache, tu sais pertinemment que ça m'agace. Elle m'a donné un mot, fait nous pleuvoir de billets. Pour faire passer le temps, je vais danser dans sa billet. Pourquoi tu joues à cache-cache, tu sais pertinemment que ça m'agace. Pourquoi tu joues à cache-cache.